70% et des chats. Bonjour à la maison. C'est Andy. À 70%, je suis en remplacement de Tommy Godet. On m'a demandé de faire comme Tommy Godet. Non! C'est mon émission. J'ai enfin réussi à prendre le contrôle. J'ai essayé de prendre le contrôle au complet. Tabarnak. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'il y a des irréductibles animateurs qui ont décidé de faire leur excellente chronique. Et on a évidemment à ma gauche Étienne Forêt. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui, Étienne? Aujourd'hui, j'ai un petit spécial Schtroumpf Party. J'ai mis la main sur les trois albums du Schtroumpf Party. Puis je vous ai fait un petit best-of. Et j'ai découvert que, de façon assez intéressante, le party des Schtroumpfs, puis des parties que c'est moi qui anime comme DJ, ça se ressemble beaucoup. On a pas mal les mêmes goûts, les Schtroumpfs et moi. C'est vrai, ça. Voilà. Ne manquez pas le Noël du campeur en passant. On a un autre irréductible chroniqueur avec sa chronique On s'en fout, je crois. Parce qu'on s'en fout. Parce qu'on s'en fout, désolé. Ben ouais, ben on va revenir sur l'Euro qui s'est terminé la semaine dernière. Et sur les prédictions qu'on a faites, on va encore faire un petit peu de mathématiques. Et puis j'ai un petit spécial, une source m'a envoyé une vidéo d'un des matchs les plus divertissants de la planète footballistique. Voilà. Intéressant, j'ai hâte de voir ça. Et on a aussi ce soir Bruno, qui d'ailleurs vient de faire son entrée. Bonjour Bruno. Allô. Bruno Courbin. As-tu fait ce que je t'ai demandé, là, donc une chronique sur Avatar? Il fait dire que non. Oh, ah, ok, c'est ta chronique sur sur les nouvelles du monde, hein? Non, c'est Avatar. Ok. Il fait dire que oui, Avatar. Et on a aussi Mathieu qui, comme j'y ai demandé, a amené un cadeau arc-en-cielesque. Et il va nous en parler tantôt avec sa chronique, évidemment. Alors, si je comprends bien, Tommy s'en va et tu donnes des ordres à tout le monde. Ben là, je vais reformer 70% à mon image. Et d'ailleurs... Despot. Oh oui, totalement. De toute façon, vous avez pu voir depuis quelques épisodes que j'ai fait ma marque, tranquillement, pas vite, de plus en plus. Alors, pour faire un peu comme Tommy, j'ai donc décidé... En primeur, à 70%, j'ai décidé de vous mettre, pour vous, mesdames, à la maison, j'ai décidé de vous mettre 100 Ways to Love a Cat, l'intégrale, au complet, les 35 minutes, et ça part maintenant! Non, c'est moi qui le contrôle, c'est moi qui... je le porte pas. Maintenant! Hey, le rythme bouge tout seul, ça bouge tout seul! Merde, il part tout seul! Andy, fais pas ça, Andy! Merde, j'ai plus de contrôle, j'ai perdu le contrôle! Andy a le contrôle! À 70%. There are 100 ways to love a cat. 100 loving ways. Way 1. Keep a tidy house for them. 100 loving ways. There are 100 ways to love a cat. 100 loving ways. Way 2. Be sure to clip their claws. 100 loving ways. There are 100 ways to love a cat. 100 loving ways. Way 3. Scoop their box daily. 100 loving ways. There are 100 ways to love a cat. C'est le combat en studio. Ici, ils sont en train de se chamailler pour qu'on enlève les chats. Qu'est-ce qu'on fait? On va leur montrer. Qu'est-ce qu'on... Tout ça pour des chats. Si vous voulez qu'on laisse les chats, ben le chat est ouvert. Hein? Alors, on est à l'écoute sur le chat. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse les chats ou est-ce qu'on bat Andy et on prend le contrôle? En attendant, ben... There are 100 ways to love a cat. 100 loving ways. Way 5. Don't squeeze their paws hard. 100 loving ways. There are 100 ways to love a cat. 100 loving ways. Way 6. Give them some fresh water. 100 loving ways. There There are 100 ways to love a cat, 100 loving ways. Way 7, let them have a fish, 100 loving ways. There are 100 ways to love a cat, 100 loving ways. Les chats ont perdu. On a été sur le code Indie, tout le monde a été sur le code Indie. On va poursuivre avec une meilleure émission de 70%. Bientôt. J'espère. Alors, Étienne, ouais, on va commencer avec quoi? Oui, j'ai ouais, je trouve party, en effet, aujourd'hui, c'est ça. Okay. Oh, oui, bonjour Bruno. Bruno, dans le studio. C'est vrai, mon thème? Ben oui, d'accord. Les demandes spéciales sur le chat veulent qu'on batte Andy. C'est déjà fait. 30 musiques qui tournent dans ta tête. Tant de musique. DJ George. Oh! Oh yeah, qui c'est qui donne du bonheur? Ben c'est notre meilleur DJ George. Ben, j'en profite pour saluer Francis Dion Robert, l'ami de mon fils Anthony et le père de Francis Hugues Robert qui, pas plus tard que hier soir, ont écouté avec moi au complet pour de vrai la tune 100 Ways to Love a Cat. C'était la première fois qu'ils voyaient ça. Alors, mon fils l'avait déjà vu en bout, mais jamais au complet. Les deux autres l'avaient jamais vu. Là, j'ai parti ça, puis j'ai dit ça, à un moment donné, il faudrait qu'on l'écoute tout au complet. Puis ils sont comme restés accrochés. Puis là, à un moment donné, tu sais, quand t'arrives à 35-40, tu peux plus arrêter. Parce que tu viens de passer comme 12 minutes de ta vie. Tu as perdu beaucoup de temps. Je vais avoir tout fait ça pour être le gars qui l'a écouté jusqu'à 35-40. C'est con, tu sais. Fait que là, on s'est rendu. J'avoue qu'il y a eu une baisse d'énergie palpable à partir de 50 jusqu'à 80. C'est facile, là, c'était beau. Là, après ça, ça remonte, là. Puis on s'est rendu jusqu'à la fin. Fait que bravo, les gars, vous êtes des vrais de vrais. Ceci étant dit, les Schtroumpfs, ben oui. Schtroumpfs Party ont fait 3 albums. Schtroumpfs Party 1, en fait, s'appelait La Schtroumpf Party. Ouh. La Schtroumpf Party. La Schtroumpf Party, oui. Parce que c'était fait en France. Une partie. En 95. Ensuite, il y a eu Schtroumpf Party 2 en 96 et Schtroumpf Party 3 en 97. Et depuis, un long break, étonnamment. Moi, j'attends avec beaucoup d'impatience Schtroumpf Party 4 qui devrait pas tarder. Là. Je pense que ça va s'appeler le Dub Schtroumpf Party. Si oui, ben c'est ça. En gros, les Schtroumpfs, si on regarde ça, là, leur façon de faire des parties, c'est beaucoup de prendre du vieux dance des années 90 puis de changer les paroles pour des affaires qui ont rapport avec les Schtroumpfs, ouais. La plupart du temps. Souvent avec un titre qui rime ou qui sonne comme le titre original. T'sais. Juste pour vous donner l'idée de l'ambiance, parce que les Schtroumpfs ne font pas que des reprises, j'ai aussi ici la chanson thème de l'album 1, La Schtroumpf Party, qui vous donne une idée du genre de tune à laquelle on a affaire. Montre le son. On veut l'entendre, on veut party. Vous pouvez danser à la maison. Les gens qui écoutent DJ George et Abdo sont habitués, vous déplacez les meubles, vous dansez, vous faites une petite piste d'alors. J'aime pas la chanteuse. C'est 98 de vos jeunes. Une fille. Non, mais viens me voir. J'aime la voir la trompette danser. Ça rappelle un peu. J'entends casser, j'entends passer. Avec la trompette de tes potes. Mais pour fêter cela, on organise une trompette partie. Mais la trompette n'a pas encore de cavalier. Alors, qui va l'amener? Qui va l'amener? Mais qui va l'amener? Mais qui va l'amener? Mais qui va l'amener? Oh là là. I fucking believe it. Moi, je pense qu'elle est FN. Quelle ironie, ça serait pas que non. Chapeau à chanter, chapeau à bouger. C'est une créature formée par Gakemo. Elle a fâché les cheveux. Wow, ça aurait pu être ça son plan. Elle a plus les cheveux noirs. Non, mais tu sais. C'est ça, mais peut-être qu'il l'avait créé lesbienne, justement. Je voulais pas qu'on s'en aille. Ouais, mais elle est devenue bonne après. Ouais, c'est sûr qu'elle est revirée. Hétéro. Le grand cheveux peut réussir à la guérir. Tout comme Jésus peut vous guérir à la maison, mes amis homosexuels. Combattez l'arc-en-ciel. Ouais. Parlant d'amis homosexuels, J'arrête ici. Le Schtroumpf Party, bon, ça c'était un peu une introduction, c'est une tune originale. Ça ressonne un peu à Like to Move It, mais c'est pas exactement. Ils ont probablement pas eu les droits. Par contre, il y a la chanson Saturday Night de Wakefield. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Saturday Night. Voilà. The way you move. Nothing and baby. Baby. C'est devenu Oh, je déraille. Fait qu'on écoute ça ici. Ça veut-tu, là, les entendre? Oh! Ah, là, voilà. Ah oui, on sent le beat. Pas mal au max. Hein? Oh, il est au max. Vous avez entendu les paroles? Les... Trop près, bye-bye. Oh, je déraille. Tournait mal parce qu'elle a voulu l'embrasser. Donc le thème est vraiment l'homosexualité. Apparemment, le gars, le Schtroumpf qui chante ça, il s'est senti mal parce que la Schtroumpfette, j'imagine, c'est elle, a voulu l'embrasser. Ouais, mais c'est pas le Schtroumpf coquet qui est sur le pachet, justement. On sait pas trop, c'est ça. C'est possiblement un Schtroumpf gay, là. On dit coquet. Ouais, on peut dire ça aussi. Ouais, je sais pas, hein, c'est pas comme la musique. Pas tout à fait. Ben, il manque de bass drum, je trouve, jusqu'à date, dans les deux tunes qu'on a écoutées. Ouais. Effectivement. Peut-être qu'ils ont pas découvert ça, je sais pas. Ça se peut que c'est trop gros pour être utilisé par un Schtroumpf dans les drums, tu sais. Ouais, ils ont des tout petits, fait que ça ferait pas de bass. Ouais, c'est parce que ça, c'est Oh, je déraille. Et je crois que c'est le Schtroumpf gay qui chante ça. On parle d'un bass drum électronique ici, là. Évidemment. Ouais, ok, c'est bon. Et le Schtroumpf gay qui a sa propre chanson officielle sur le Schtroumpf Party 2, je l'ai déjà fait jouer ici. Ça s'appelle Gay Gay Gay. Il est de ta part, c'est au moins gay. Ah, c'est une hymne, là. Ouais. Gay Gay Gay. Quand il y a une pochette ici, hein. Ouais, on a des pochettes, je sais pas s'il y a moyen de les voir à l'écran, on va les voir. Monte la sang, man! Je vais te monte la base! Je pense que c'est peut-être lié au fait que je suis en mono aujourd'hui. Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas de bass drum, peut-être. Probablement qu'il doit être dans l'autre bord. Ouais. Ou les Schtroumpfs chantent en mono. Oh yeah! Comment tu sais qu'aujourd'hui tu t'es réveillé en mono? C'est à cause des fils dans le studio. Okay. On n'entend pas grand chose. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! On va le baisser. On va tenter de régler le filage. Je pense que la baisse, c'est le fil qui fait que ça chie. Oh! On va essayer de le repluguer dans une autre prise pour voir. Oh yeah! Baisse-nous ça. Je vais repasser pour voir. Oh! On a des... Oup, on a de la baisse. On a des élans de basse. Ah. Oh, Chris, hein? Oh! Oh! Non. Oh, je... Bon, ben, tu veux maintenant le préposer à la baisse. C'est Bruno qui tient le fil. Tu pourrais juste te pencher un peu, Bruno? C'est parce qu'on ne voit plus. On ne voit pas, anyway. C'est pour ça qu'on ne voit pas, caméraman! On va essayer de trouver un meilleur fil. Parce que les Schtroumpfs, ça s'écoute avec la tête. Ouais, ouais. En attendant, je propose qu'on passe tout de suite à la chronique de David, le temps qu'on règle ça. Ah! Là, ça marche, mais tu sais, c'est... Je pense pas que Bruno va apprécier rester de même pendant une demi-heure. On a-tu du duct tape? Le duct tape, ça règle tout! Tout! Matin au soir, il ne pense qu'à Schtroumpf. Oh! Schtroumpf qui? Schtroumpf quoi? On sait pas, on sait pas. Schtroumpf ça, Schtroumpf là. Donc ça, ça buzz en plus. Ouais, hein. Ouais. Ça va être bien, parce qu'il a fait j'aurais plus de baisse, il n'y aura plus de buzz non plus. Hey, on peut-tu aller en clip? Ouais, on va mettre un petit clip, on va revenir après. Spécial problème technique. On va aller en clip, et puis tout de suite après, on est de retour. On va essayer de trouver un meilleur fil. Qu'est-ce qu'on s'en va voir? Je pense qu'on va aller voir quelque chose de powerful, quelque chose de plein d'amour. On va aller voir Huey Lewis in the News and the Power of Love. Power of Love. on a le temps. Okay, I think we're all set for you. Okay, this is it. We're back. I told you we'd be back, right? Wow, look at the stereo. No, that's not a stereo. What is it? It's what it is. Now, I know it's been a few years. But Hollywood finally caught. That's it. Your favorite group is in the movie business. What's going on in there? Music. What kind of music? Disney. Rock and roll. Huey. Look, this is the place. Gotta get in there. You're expecting me. Come on, let's go. My machine. Don't touch anything. And I know it's a good song, and I mean, it's got to be a good movie. They even got jackets. Gonzo, show them the jacket. Check this out. For real. Moment you've been waiting for. From the big smash hit movie, our latest single, The Power of Love. Make a J'ouvre les micros. Avec le pouvoir d'amour. Yeah! Hey, c'était ravigotant, ça. Est-ce qu'on retourne au schtroumpf? Alors, est-ce qu'on a réglé ce problème-là? Vous faites exprès, hein? Vous faites vraiment exprès pour que ça soit fait dans mon émission. Moi, je pense que je vous crisse quand Tony est là, d'habitude, ça va pas mal mieux. Je le sais, mais bon. Est-ce que je peux remarquer? Laissez faire, je vais partir ma propre émission. Ça va s'appeler 72%. En tout cas, on verra. J'essaie ça, là. Je repars. Je dérange. Ah, oh! On a de la base. Oh là, on est dedans, là. Et là, c'est parti. Il manquait le terrain. Oh là, c'est un petit part bientôt. Trop près, bye bye. C'est chaud en studio. Canard, ça fait vraiment tout à l'heure. Les schtroumpfs, évidemment, ils ont engagé un vrai canard pour faire ça. C'est plus authentique. Le son est acoustique. C'est quand même mal mixé, mais pas rien de la tête. Ouais, voilà, c'est beaucoup on mieux. On a envie de danser. Je danse, on danse notre vie, même. On danse sa vie à la maison, tout le monde danse, on danse, ouais, super! C'est la schtroumpf party! On enchaîne avec autre chose! Oh! Les petits bisous! C'est ce que tu nous amènes, man? Toujours dans la schtroumpf party 1? Tu as Tonton l'Eclipse of the Heart, ça? Non! J'espère pas! J'aurais été hâte, c'est ça, j'aurais mis en premier, mais non! Oh! Hey, oh! Alors, fais-le. Ben, c'est notre vie, man. On a du plaisir en studio. C'est une chanson qui décrit tous les différents bisous que les schtroumpfs aiment se donner. Alors que pourtant, je suis schtroumpf 7, en tout cas. Ça, là, je dirais... Le plateau. Savez-vous. On avance un peu pour qu'il y ait des paroles, là. Ouais, parce que là... Les petits bisous. Les petits bisous. En recevoir, c'est magnifique. Mais en vrai, c'est fantastique. Chaque bisou a sa particularité qui va avec sa personnalité. Moi, je les aime bien mille. Moi, je préfère en avoir deux. Je serai la vie sans bisous. Je serai sans dessus dessous. Imaginez-vous un monde sans câlin. Un monde sans amour, un monde sans rien. Il vaut mieux ne pas y penser. Non, non, il ne faut pas y penser. Ces bisous, on aime ça partout. On a trop d'autres qui pensent. J'aime les bisous entre mes bouts. Ça aurait été un bon indice. Oh! Oh ouais, mon Dieu, on a des vrais schtroumpfs. Y'avait-tu des schtroumpfs de Poudlard? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ça finit plus, man. Un autre plus grand succès ici. Schtroumpf Party 2 cette fois. Hello, viens mon petit frérot, le monde est marteau, il faut danser sur ta folie, danser pour oublier l'ennui, danser jusqu'au bout de l'oubli. On serait le donjon de Malzer qui est réunifié. Boum boum, petit gros, je fais ouais oh. Ouais oh. Boum boum boum, mon cœur c'est bon, mais fais ouais oh. Ouais oh. Boum boum boum, chante avec moi et fais ouais oh. Ouais oh. Boum boum boum, me va danser, fais ouais oh. Ouais oh. On fait ça à la maison. Boum boum, me va chanter, fais ouais oh. Ouais oh. Y'en a qui le font pas. Boum boum, mes amis, je fais ouais oh. Ouais oh. Ok, toi aussi, là. Sébastien, fais-le! Et toi, Jean-Philippe? Oui, ok, ça c'est là. Y a-t-il autre chose? Il y en a plein d'autres, mais je reviendrai plus tard. Wow! Méchant party. Mais, hein. David, sauve-nous de ça, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. J'ai pas beaucoup d'aussi bonnes informations, mais juste revenir sur l'euro. Donc, est-ce qui a gagné, donc? Ben, justement, je me suis posé la question jusqu'à ce matin. Et non, c'est pas ta chronique, ça, j'ai vu ça poster avec Cuba, moi, en voyage la semaine passée. Je suivais beaucoup ça, eux autres, là, puis il y avait tout un poster, puis ils montraient qui gagnait, puis je me disais, ah! Okay. Ben, moi, je sais que c'est pas les Italiens qui ont gagné parce qu'il y avait pas plein de monde. C'est vrai, ça, hein? Il y avait un peu moins de bruit. Il y avait un peu moins de bruit. Ah, c'est portugais! Il me semble que j'ai vu un drapeau tout fucké, rouge puis jaune. Les Portugais sont rendus presque à la finale, mais non. Non, c'est l'Espagne qui a gagné. C'est le Brésil. Et voilà, donc, qui en fait une bonne démonstration. Bonne démonstration de foot. Moi, est-ce que j'ai vu la partie? Je vais être honnête avec vous, je l'ai pas vu. C'est bon. Je l'ai écouté. Sur Wikipédia. Je l'ai écouté à la radio. Ok. Ouais, c'est correct, ça compte, ça. Ouais. C'est peut-être un Canadien, tu peux l'écouter à la radio, c'est correct. Ça doit être sérieusement vraiment dull, une game de soccer à la radio. Non, au contraire, c'est vraiment malade. Ah ouais, c'est parce mieux. Que les deux chroniqueurs que j'écoute, c'est ceux qui animent l'OM pendant la saison normale. Puis ils sont 100% partiels. Partial. Bref. Il était pas pour l'Italie, ça. Ok. Et puis, c'est de la poésie. Comparé à nos joueurs analystes, là, c'est de la poésie. Je vais en amener un extrait, c'est ça. Oh, c'est très bien, vous, ça. Vous, à la maison, la semaine prochaine, prenez des notes. Et vous, au travail. Je vais vous amener un extrait de ça. Et vous, dans vos loisirs. Et ouais. Sauf qu'on m'a demandé encore, cette semaine, dans mon courriel, même chose, tu sais, pourquoi le foot avec 70%. J'avais fait une petite démonstration, la feinte à 70 sous. Oui, effectivement, c'était brillant. Puis, mais tu sais, des fois, c'est comme pas assez. Tu dis, tu as fait un calcul comme un scientifique. C'est vraiment la dernière hypothèse et tout. Bon, j'ai cherché. Puis, tu sais qu'on a fait une petite prévision. C'est vrai. On avait fait de la magie. Il manquait juste l'animal pour pouvoir le tirer, mais ouais. Ah non, t'as pas eu, c'était toi, tu sais. Ben, c'était Bruno. C'était un heureux mélange. Moi, j'ai tiré, puis Bruno a écrit avec un crayon rose. Ouais, c'est ça, j'avais un crayon rose. Donc, si vous vous rappelez, j'ai malheureusement pas la feuille avec moi. Pas grave, il s'en rappelle. Italie-Allemagne, on avait prédit Allemagne, donc voilà. On avait prédit qu'Allemagne perd. C'est ça. Pas Portugal contre Espagne, on avait Portugal, on n'a pas eu. Fait qu'on était. Un sur deux. Et puis la dernière match, Espagne-Italie, ben nous, on avait pris Portugal. Donc, comme tu dis, on avait pris pour que l'Italie perde. On avait dit que l'Italie perdrait. Et voilà. Et on a eu raison. Et ben j'ai sorti ma calculatrice. Ça m'a donné 0.666666. Puis là, j'ai voulu, j'ai poussé plus loin. Puis on m'a dit, tu sais, les dixièmes, bon, personne n'a déjà vu c'est quoi un dixième. On s'en encore, yes. Ça m'a encore donné 70%. Et voilà. Nos prédictions étaient 70% correctes. 70%. Oui. Non, c'est bon. Fait qu'on est content. On commence à se rapprocher, tu sais, le lien entre le football et le lien est facile à faire. L'émission, voilà. Voilà. Super. Juste faire un petit truc. Je vous ai amené une vidéo aussi, un match de foot qui est assez mémorable. Qui est, c'est plein de symboles, ok? C'est un match. Là, je vous vois venir à la maison et vous allez me dire, c'est sexiste, il y a encore des filles qui sont utilisées pour l'image. Est-ce qu'ils sont fatigués à la maison? C'est deuxième degré, on va pousser ça plus loin. C'est vraiment les forces du mal contre les forces du bien. Oh! Pour rien de moins! Pour les fans de George Lucas, vous allez voir, eux, ils ont été un step après. Donc voilà. Donc je vais te partager ça. Puis avant ça, juste, c'est rare que j'apprécie ce bonhomme-là, mais tout le monde connaît Stéphane Laporte. Il a défini le football d'une façon, c'est vraiment bizarre, parce que moi, tout le monde me dit « Pourquoi t'aimes le soccer? Nanana, nanana, on comprend pas, c'est des 0-0, c'est long. » Mais il a nailé ça, check-moi ça, je peux lire un petit extrait? Bien certain. Personne n'est allergique à... Tu veux-tu vraiment me le demander à moi? Ouais, personne n'est allergique aux handicapés. Y a-tu des chats dans ton texte? C'est bon. Fait qu'il fait la comparaison avec le hockey, puis il dit au hockey, le joueur des séries de la Coupe Stanley, c'est-à-dire celui qui gagne le Conn Smythe. Mm-hmm. Mais le joueur le plus utile. Exactement, c'est toujours soit le meilleur compteur, soit un gardien qui a multiplié les miracles. Il dit parfois un défenseur qui a brillé offensivement, mais c'est arrivé une seule fois dans l'histoire, c'est Bob Gainey. Donc celui qui gagnait le Conn Smythe, c'était celui qui a fait le plus de buts ou le plus d'arrêts. Un des deux. Mm-hmm. Il dit. On vient de nommer le joueur du tournoi de l'Euro. C'était l'Espagnol Iniesta, André Iniesta. Sa fiche de tout l'Euro, les 8 matchs, c'est une aide. Okay. Il dit, mais son jeu a permis à l'attaque espagnole de s'épanouir. Okay. Lui, de continuer, j'aime le foot. Donc, moi aussi, Stéphane, on se rejoint pour ça. Et marches. Il dit, il finit avec là, c'est là que les questions arrivent. Il dit, c'est on se rejoint en haut des marches. Okay? C'est bon. Ok. C'est pas un sport de Jean Perron. C'est un sport d'Edgar Fruitier. Oh, il finit sa chronique comme ça. Non, mais attends un peu. Il a rien que fait une aide. C'est quoi? Il a amené de l'eau à ses compatriotes. Et il a fait une pause. Il a payé pute le samedi soir. Il a fait était gentil avec eux autres. Exact. Il complimentait sur leur... C'est lui qui a donné le plus grand bonus aux arbitres. Ouais. Fait que bref, je vous laisse méditer là-dessus. Sur ça, je pense que Dieu, on peut y aller avec une vidéo. Comme je vous dis, on n'arrête pas au premier degré, on regarde la symbolique. Okay. Et puis, c'est au-delà des tontons. De pur plaisir. Puis je vous lance le défi de deviner quelle équipe va gagner. Les Blancs. Give me fire, give me reason, take me higher. Be the champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets are ever lifting. As we lose our inhibition, celebration is around us. Every nation, all around us. Whatever you're singing songs underneath the sun. Let's enjoy a beautiful game. We'll forget at the end of the day. We all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back. Give you freedom, give you fire, give you reason, take you higher. Be the champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our hands are lifting. As we lose our inhibition, celebration is around us. Every nation, all around us. Sing whenever you're singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes home. C'est l'emblant, là. Des affaires, là. T'as mis mon micro, je le sais. Là, si j'ai bien compris, c'est ça le soccer finalement. Ben ouais, mais c'est plus fun que je pensais. C'est comme la radio, Bruno, ça peut être que parlant de l'intermède, c'est la symbolique, les blancs qui disent la pureté. Mm-hmm. Hein, on a vu les noirs, ils ont mérité un carton jaune, on a insisté un carton rouge, hein, on triche. Ouais. Quand on triche, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on sème, tu sais? L'arbitre a. Hein? L'arbitre a. Ok, David, je sais que tu viens pas souvent, là, mais toi, tu me regardes pas, je n'existe pas pour toi. Okay. Quand je pointe quelque chose ou je fais des gestuels, toi, okay, tu continues comme si de rien n'était. Okay. Ça s'appelle de la télévision. Oh yeah! Et vous l'avez vu à 70%! Donc voilà, donc c'était tout. Puis c'était un match complet avec des surprises, ouais, avec, oui, des challenges, avec, bon, avec un but à la fin. On a reçu un appel, je pense, Dieu, en studio, et ça a l'air que les deux équipes seront présentes ce soir au Brouhaha. Oh yes, dans leur habit de dans leur costume de travail. Rendez-vous. Ouais. Donc voilà. On rappelle que ce film. On dit merci à Nancy. 1970, donc ils sont un peu plus vieux aujourd'hui. Un petit peu. D'ailleurs, une de ceux-là, c'est ma mère. C'est elle que tu disais que j'ai des affaires, hein? Dirait-elle. Elle dit que je sortirais de son vagin, elle. OK, on enchaîne. Bruno! Non, non, mais attends, il n'a pas précisé. Il a dit deviner laquelle. C'était la petite vieille dans le buisson, dans le fond. Mais ça, c'était ta dernière chronique ou il y en a encore? En fait, c'est ma dernière chronique concernant l'Euro. Mais après ça, parce qu'on s'en fout. Ah, il y a encore du football. Va devenir une émission. Oh yeah, bientôt sur Douteux TV. Parce qu'on s'en fout. Là, j'ai des longs topos sur des joueurs assez extraordinaires. Et comment ça va faire? On a-tu déjà une victoire d'arrêt? Jean Pellé. Est-ce qu'on a déjà une case arrière des... Je sais pas, faudrait que je parle à Dieu, mais il paraît que j'ai pas le droit de le regarder. Non, regarde pas maintenant. Il faut, non, il faut croiser le regard de Dieu. Tu vois, il y a sa lumière. Non, tu vas venir avec. Oh. Okay, okay. C'est ça la chaleur. C'est jamais chaleur. Une bonne idée. C'est les chérubins qui ont le droit de le regarder. Il est pas à contre-jour, il est à anti-jour. Wow! On peut même pas le voir. Ben, merci beaucoup pour ta chronique, c'est vraiment fantastique. Ça et pour la plaisir. Superbe nouvelle en primeur à 70%, ouais, qui va avoir son émission avant la mienne. Une émission de sport. À quand ton émission sur les chats, Andy? Alors, Bruno! Ouais! J'aime pas vraiment ça, les chats. C'est pas vrai, c'est correct, les chats. Ah, c'est ça. Ça pourrait être là, ou ça pourrait être tantôt, là. Sur douteux.tv, okay, les manchères internationales, avec Bruno Corbin. OK. Où est-ce que tu nous amènes, Bruno? Ben, alors, je vous amène en Allemagne pour commencer avec Marcel Pohl, un ancien étudiant allemand qui a complété 60 examens en 20 mois et a été diplômé en août 2011. Ce processus prend habituellement 11 sessions. Le jeune homme de 22 ans avait séparé sa charge de travail avec deux autres étudiants. Chacun allait à certains cours et ils s'échangeaient leurs notes. Le plan avait été approuvé par l'université. Maintenant, l'université, qui sent qu'elle n'a pas assez fait d'argent avec cet étudiant, poursuit Pohl afin de se faire rembourser une partie des frais de scolarité qu'il aurait dû débourser s'il avait terminé ses études en 11 sessions. Ah ben oui. Pohl, incrédule, affirme que la performance devrait être récompensée et que les étudiants qui étudient trop lentement sont normalement pénalisés en plus. L'université prétend que le prix est associé à la totalité des études et non au temps passé à étudier. Oh, voilà. Quand même. Qui va gagner? On est en Allemagne, là, fait que... Tout est possible. Tout est possible, voilà. On continue, on s'en va en Russie cette fois-ci. Un professeur de physique nucléaire de la Kazan Federal University en Russie a procédé à un test oral de ses étudiants qui aurait débuté à 10h le 26 juin et se serait terminé à 9h le jour suivant. Le tout sans pause pipi. Selon les étudiants, Landish Zaripova, pardon, était en état d'ébriété pour la durée du test, ignorant les étudiants, parlant principalement de son amour pour les vêtements et quittant la classe régulièrement pour aller faire le plein. Zaripova nie le fait d'avoir bu de l'alcool, affirmant que ses étudiants se vengent d'elle parce qu'ils n'ont pas réussi leur test. de 23 heures. Quand même. Ouais. Parce qu'elle n'a pas nié que ça avait pris du temps. Elle a juste nié qu'elle était saoule. Ouais. Ouais. C'est quelle école qui permet ça? Ben, en Russie. Catalan Federal University en Russie. C'est en Sibérie, probablement. Il était dehors dans le frais. C'est un nom, okay, c'est central, pas mal. À Laval, ils font la même chose, mais l'inverse, en 4 minutes. En 4 minutes, c'est ça, ouais. Mais est-ce qu'ils sont sous à Laval? Tout le temps. Ils sont tous sous tout le temps. Puis ils conduisent des chars. Ah, ouais. Si Dieu le dit, hein. À 190 km/h. Moi, je peux pas avec laisser. Avec des casquettes à l'envers, mais c'est ça le secret de la casquette à l'envers, ils roulent trop vite. Ah, c'est ça, elle pogne dans le vent. Ouais, ça devient aérodynamique, tu gagnes à peu près un kilomètre de plus. Ouais, ouais. Surtout si tu laisses les fenêtres ouvertes. Pour aller au fuzzy. Le fuzzy. Est-ce que c'est tout, Bruno? Ou t'en as d'autres? Je peux vous en faire une troisième. Ben, pourquoi pas? Une troisième, d'accord. Alors, Brittany Marshall, 14 ans, passe à travers d'une drôle de phase, affirme sa mère. On appelle ça l'adolescence. La plus jeune des 5 filles de la famille ne souhaite pas se faire poser d'implant mammaire à l'âge de 18 ans. Rite de passage par lequel toutes ses autres sœurs sont passées. Ah ben, tabarnouche. L'adolescente rebelle préférerait voyager à travers le monde et aller à l'université avec la mère. Oh, la conne! Qu'est-ce qu'elle conne? Sont où ses valeurs à elle? Mère de 9 enfants, Chantal Marshall affirme « Je connais mes filles et Brittany n'est pas différente. » On va l'avoir. Elle est déçue de la décision de sa fille. Ajoutant, elle n'a pas ce que j'appellerais des seins en ce moment. Alors, j'aimerais qu'elle suive dans les traces de ses sœurs et quand elle sera plus vieille. J'aime beaucoup... c'est une longue citation, mais c'est parce qu'il y a vraiment le fun. « J'aime beaucoup le look faux de mes filles. » Maintenant, une grand-mère, la femme qui travaille comme médium clairvoyante, a dépensé 50 000 livres depuis 1996 en chirurgie plastique sur elle-même et ses filles. Elle est malade mentale. Si elle est médium clairvoyante, j'imagine que ça veut dire qu'elle sait. Ça l'énerve pas tant que ça. Est-ce que je peux attirer votre attention sur un détail? Ouais. C'est très subtil, mais moi j'aime ce genre de détails. On va zoomer, pas sur elle, pas sur elle. Non, ses broches, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est ici, là, juste ici, la brassière beige cachée en dessous. Ah ha! Et voilà, tel est pris. C'est tout ce que j'avais à dire. On va tellement leur écrire. Tel est pris qui croyait prendre. Dieu vous le dit. Dieu n'aime pas les brassières beige. Oh que non, personne aime les brassières beige. Tu mets ça pour aller te coucher, mais quand tu te lèves, tu changes. Même la couleur beige, j'aime pas ça. OK! Hey! Merci Bruno, tu vas nous revenir tantôt avec d'autres nouvelles. Est-ce qu'il va y avoir des vols de dépanneurs pour faire non, comme l'autre? Non, pas cette semaine. Ah, yeah. Enfin! Tommy était pas là. Tu as arrêté là, par exemple. Ouais. Mais il nous regarde à la maison, ça a l'air. Salut Tommy. Est-ce qu'on en profite? Parlant de Tommy, justement, il nous a envoyé un vidéo, certainement se vantant, à Nabitibi-Témiscamingue, où est-ce qu'il est, là, dans sa patrie, dans notre patrie, à tous. Oui, dans son trou. C'est pas peu dire. Donc, il nous a envoyé une vidéo pour nous dire, Andy, tu fais moi ça comme du monde. Tu sais, ça serait bien. Parle de vidéo. Je vais continuer à ruminer. Merci, Tommy, pour ton envoi. Puis pour te prouver qu'on Andy, ta gueule. Puis pour te prouver qu'on s'ennuie, là, même si je trouve que c'est insupportable, je vais te faire jouer 3D Dadidé. Oh! À 70% sur Douteux.tv, la télé des DLC! Alright. Ah, la belle journée. C'est Tommy Godette qui vous dit bonjour. Non, je suis pas à la plage, en fait. Ça a l'air de ça. Mais quand on se lève, on s'aperçoit que je suis à côté d'un cratère bien, bien spécial. Et c'est en voyant cette formation géologique-là que j'ai eu envie de vous parler de deux phénomènes géologiques pratiquement propres à l'Abitibi-Témiscamingue. Plus à l'Abitibi. Si vous voyez à l'horizon, en fait, en Abitibi, on a une affaire, ça s'appelle les Esquerres. Et les Esquerres, ça, c'est des collines qui sont tout le temps nord-sud. Parce qu'il y a environ 10 000 ans, sur cette noble partie du bouclier canadien, il y avait à peu près 3 km de glace d'épais. 3 km, ça veut dire 3000 mètres de glace de haut. Ça fait beaucoup d'eau. À un moment donné, ça a fondu, ça. Puis ce qui se passe, c'est que ça fait des grosses rivières à l'intérieur.

Daddy Day. La lumière pas allumée. C'est que c'est mauvais. Hey tout le monde, ça a l'air qu'il y a un film ce soir dans quoi, 7 places à travers le Québec? 6! À Montréal, à Québec, à Shawinigan, à Sherbrooke, à Sainte-Thérèse et à Saint-Anne-des-Monts. Wouhou! Saint-Anne-des-Monts! Visitez douteux.org, c'est pas ça? C'est pas Saint-Anne-des-Monts? C'est hot ça, Saint-Anne-des-Monts? Moi non plus. Attends, vous. Tout est possible dans ce monde. Vous êtes sérieux là, vous êtes pas au courant, pas en doute. J'ai jamais entendu parler de Saint-Anne-des-Monts, mais je ne sais rien parce que je veux pas avoir l'air niaiseux. Attends une minute, c'est sur notre site, puis vous êtes même pas au courant. Hey, bonjour les gens de Saint-Anne-des-Monts. Non, on va clarifier quelque chose, là, puis on va même les montrer en onde. Oh, en onde? OK, check bien ça. Ici, on a mon... Oh, c'est... On va zoomer. On peut ça, c'est Brouhaha, Ninkasi. OK, on donne les adresses, on le fait jamais. OK, go! À Montréal, au Pop Brouhaha. La Maison du Douteux, au 5860 avenue Delormier, coin des Carrières, dans le quartier Rosemont. On a aussi à Québec, à la Ninkasi du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean. On a aussi à Sherbrooke, au Bocquébière, au 50 Wellington Nord. On a aussi à Shawinigan, non, le Trou du Diable, 412 rue Willow. On a aussi... Non, c'est l'été. Il paraît que c'est l'été, puis ça joue pas à Shawinigan. OK, fait que, OK, on s'en reparlera. On va s'en reparler entre quatre murs. On est aussi à Sainte-Thérèse, au 32 rue Turgeon. Non. OK, c'est le fun qu'on nous ait avertis. Saint-Anne-des-Monts d'abord. Saint-Anne-des-Monts! À l'auberge festive, le Sea Shack, au 292 boulevard Perron Est. Bon, on leur dit bonjour, bienvenue dans la grande famille. Saint-Anne-des-Monts? Oui, ben oui. On a un autobus de Shawinigan! Alors, le film de ce soir, oui. Vous l'avez voté à la maison. Ça vous apprendra. Vous, même ceux qui habitent à Saint-Boniface! Ou à Shanghai, c'est un site internet, on a le droit. Et le film que vous avez voté donc ce soir, c'est votre choix public adoré, c'est TC 2000. Hey, j'ai jamais vu TC 2000, fait que je suis allé sur l'ordinateur à Tommy. Là, je cherchais pour trouver le texte qu'il avait fait, parce que je pense que ça a déjà joué, ça. Oui, ça a déjà joué, ouais. Et voilà. Fait que là, je checkais, là, je faisais un tri dans sa porn, là, pis là, j'ai trouvé ça en transsexuel 4000, puis T-Bone versus Spermuta. Alors, je vais donc vous parler du texte pendant que Dieu va mettre des bouts de clip. Tu vas nous parler du texte. Je vais même pas Je vais même pas lire le texte, je vais parler du texte. Alors, le texte a été imprimé sur une feuille de papier blanc avec un ninja dans le milieu ici. C'est du Times New Roman, ça, hein? Oui, c'est en Times New Roman, mais par contre, le TC 2000 en haut est en peut-être bleu. En Arial. Ça a l'air d'être du Arial, hein? Ou du Verdana, peut-être. En tout cas, il n'y a pas de Comic Sans. Oh, alors on start. On va parler TC 2000. Si vous avez des enfants en bas âge, vous devriez les éloigner. Parce que TC 2000 est sûrement le film le plus démesurément loadé de combats inutiles, caves et violents que le souvenir fait vivre dans mes cellules d'autant plus grises que cette fin de janvier. On n'est plus en 20 janvier, ça marche plus. C'est juillet. Puis c'est même pas la fin, c'était le début. Billy Blanks. Hey, Billy Blanks. Lui, je le connais. Ouais, tu sais qui, hein? Ouais. C'est l'inventeur du Taibo, ainsi que la mascotte de Subway avant que ça devienne Jared. Quel homme, ce Jared, quand même. C'est vrai. Il est-tu encore mince? J'ai pas vu derrière. Oui. Ouais. La superstar, donc, c'est Billy Blanks, qui joue le rôle de Jason. Ça doit être traduit en français. Policier d'un futur totalement invraisemblable dans lequel la population humaine tout entière existe dans des souterrains miteux décorés de canalisation. Je ne développerai pas trop sur cet acteur douteux accompli qu'est Billy Blanks, puisque pour l'instant, j'aimerais décrire la journée de travail du héros que le film nous fait vivre. Après un premier combat dans la zone extérieure, Jason relaxe au commissariat en se battant avec un collègue. Ensuite, de retour au boulot, Jason doit aller botter un gang de rue dirigé par le très méchant Picasso. Hey, j'ai vu ce film-là. Je me rappelle de Picasso. La vie étant ce qu'elle est, sa coéquipière se fait tuer durant ce combat. Oh oui, coéquipière. On apprend plus tard que leur sergent de police les a trahis. En somme, cette affaire est maintenant personnelle. Comme le boss est un traître, il fait porter le chapeau de l'assassinat à Jason. qui réplique en cassant la gueule de la majorité de ses collègues, puis s'évade pour mener sa propre enquête d'autant plus personnelle. Plus tard, Jason croise un gros Nabs-lait, what the, dans une ruelle. C'est quoi c'est un Nabs? Non, je ne sais pas c'est quoi un Nabs. Tommy, écris-nous, c'est quoi un Nabs? Un abo? Un abo, Nabs, nazi, je ne sais plus. Un abo nazi, peut-être? Ah, ça se pourrait, lait. Ouais, ou peut-être juste un abo qui est naze. Naze. Ouais. Il réagit instinctivement en lui crissant une méchante volée. Finalement, pour se payer de quoi manger, notre ami fugitif participe à un combat de rue, quoi d'autre, pour gagner l'argent lui permettant de se payer un bon vieux rat burger du futur et de l'eau. En une seule journée de travail, quand même. En une seule journée de travail. Il faut le faire, hein? Ouais. Bon, j'aimerais ça être Billy Blanks. Outre le sublime Blanks, douteux mémorable, mais également en vedette Jalal Mary, Bolo Young, Matthias Hughes et un moustachu vraiment très fade. Donc, on va avoir encore le Steven Seagal de Beirut 2. Beirut. Oui, mais... Beirut. Moi, t'as m'enlé son... OK, le Steven Seagal de Beirut et Big Bill dans le même long métrage. À noter. L'imbécile de programmeur qui a décidé de donner cette voix de consanguine castrée à son ordinateur. Oui. Hey, on a-tu un bout de ça? Ouais, ben au début, elle parle au début. Ok, good. On va essayer de trouver ça. Dieu! Moi, j'ai un petit bout, là. Des années de pollution avaient empoisonné la nourriture. On va trouver la formation du monde souterrain avant Pierre. On vient de l'avoir! Nous sommes attaqués. Transition porte 11. Envoyez renfort. Relax à la maison, relax. Nous sommes attaqués. Arrête de nous sommes attaqués. Transition porte 11. Dieu, je pensais que t'étais omniscient. Attention, alerte sécurité code 3. Alerte sécurité code 3. C'est les Schtroumpfs Party. C'est drôle parce que c'est l'ordinateur parle dans le film, puis des fois c'est comme tu sais une voix vraiment stoïque d'ordinateur. Puis là comme là tu vois qu'il y avait comme de l'émotion. Alerte de sécurité là pour vrai, là dépêchez-vous là. T'es vraiment impliqué émotivement dans tout ce qui se passe. Ah, qui d'autre? C'est dans le futur, hein? Ça va être ça. Les ordinateurs vont avoir des émotions. Fait que Bruno, tu voulais en rajouter? Ouais, ben je pouvais peut-être finir avec la fin d'un autre texte. Film d'exploitation canadien pseudo-américain par excellence, TC2000 est un autre de ces mélanges absurdes de Robocop et Terminator. Le récit ne tient absolument pas la route, tout comme la conception futuriste des décors. En réalité, il s'agit beaucoup plus d'un prétexte à multiples scènes de combat à main nue, car elle ponctue l'action du film à toutes les 10 minutes, avec des scènes de pause placées entre chacune d'elles qui ne font pas du tout progresser l'intrigue. L'ensemble est involontairement marrant, à plus d'un titre, que ce soit la mise en scène anémique, le montage sclérosé, les situations conçues par une imagination enfiévrée, qui n'a même pas été capable de pondre une seule idée neuve ou une seule variation du genre. La bande sonore n'a aucune consistance, tant à la musique qu'aux effets. On parle encore de la voix d'ordinateur qui a l'air d'une souris en rire. Voilà. Une voix d'ordinateur. Alerte. Juste d'émotion. Pour ce qui est des combats à main nue, on peut facilement préférer ceux des films asiatiques de Kung Fu tellement leur chorégraphie est déshonorante, quoique juste une coche au-dessus des films de Jean-Claude Van Damme. Résultat des courses, TC2000 est dans le top 10 des nanars du cinéma de genre canadien. Interprétation est évidemment plus grotesque que rudimentaire. Pardon. Et voilà. TC2000, alerte. Alerte sécurité, toutes les unités. Bon ben, je pense qu'on a parlé bien plus du film qu'il aurait valu. Ouais. Bon ben, ça a bien résumé, je pense. Que... Mathieu! Hey! Sir, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça fait quoi, 3 semaines? Ça fait 3 semaines. T'étais où, sacrément? J'étais dans la 4e dimension. Parking. Pas un autre. deux semaines de lundi au parking. Rapproche-toi. Moi, j'écoute ça pour me coucher le soir. Tu fais bien? Ah ouais, c'était écœurant. Fait que deux semaines au parking, deux lundis de suite au parking, puis je reviens en force ce soir. Hein. D'ailleurs, cette semaine, c'était le bordel. Mon coloc a trouvé une trappe dans notre nouvel appartement. On l'a ouvert, puis on a trouvé un vide sanitaire. Ouh. Ça, c'est pas une place où il n'y a aucune menstruation. Là. Bien au contraire. C'est, non, c'est ça. C'est plutôt un, comme un sous-sol d'environ 3 pieds, tu sais, généralement à la terre, qui sert à aérer la maison, puis aussi à, tu peux entreposer là-dedans. Puis, clairement, tu peux y attacher des gens pour les violenter. Hein. Oh. Fait que, tu sais, c'est un peu comme l'endroit le plus fun dans mon appart. Fait que ton fils va aller là. Hein? Oh, non, mais oui, c'est clair, il est déjà là. Parle-moi pas d'une cour arrière magnifique et ensoleillée à souhait, hein, d'une salle de bain avec bain tourbillon ou d'une cuisine avec un grill qui permet de faire d'excellents steaks comme sur le barbecue. Moi, ce que je veux, c'est une pièce humide et sombre pour violenter des gens. OK? Les meilleures pièces. Parlant de fun, on a trouvé plein de jouets pour enfants dans ce sous-sol-là. Cool. C'est pas une blague, on a trouvé plein d'affaires. Puis debout, dans un coin, dans le fond, il y avait une chaise vraiment louche, tu sais, comme placée. Fait que là, on approchait, puis on espérait, mais non, il y avait pas de trace de petits pieds d'enfant. Ou la chaise qui part à balloter tout seul. Aucun vieux bout de tête, puis ça sentait pas le vieux sang. Dommage. Non. On a trouvé un remords. Aussi. Ah, ben ouais. Un esti de gros remords. Mais bon, hein, notre appart, c'était une maison d'accueil pour jeunes en difficulté, fait que c'était un peu normal qu'il y ait des remords au sous-sol. Tu l'as pas amené. C'était du Splinter. T'aurais dû l'amener. Ben oui, il y avait un petit saut comme mauve à côté, là. D'ailleurs, parlant de petit saut mauve, moi, ma chambre est magenta. Ma chambre est de couleur magenta. Ouais. Ben c'est comme ça. Il y a une croyance populaire qui veut que le magenta soit une couleur de fif. Apparemment, non, oui. C'est rouge. C'est rouge. C'est pas vrai. Non. C'est non. C'est ce qu'on verra. C'est une couleur violente, par exemple. Ouais, ben en fait, hein, c'est dans les ordinateurs, ils ont pris ça comme étant une couleur primaire. Le magenta. Ah ouais, dans le spectre des couleurs. Dans le spectre des couleurs. Dans la lumière, c'est une couleur primaire. Ouais, ouais, c'est magenta. Mm-hmm. Ouais. Formerly known as red. Mais il y a aussi une rumeur populaire, hein, qui veut que, en fait, que j'ai déjà chanté avec Maxime Landry. Ah, c'est pas vrai, ça, finalement? Ouais, non, ça, c'est vrai. Oh, je sais pas si tu peux mettre la photo. Ah, ben non, ouais. Ça c'est un aigle. Ah, ben ça. Oui, c'est très clair. C'est... La photo, c'était plutôt dans le dossier de cette date-ci. Peut-être. Mais tu peux montrer l'aigle. Moi j'aime bien ça, les aigles aussi. Oui, ben on... Et voilà. Ça c'est c'est sérieux. Ça c'est en 2005, hein, quand l'Empire me tournait autour. c'est un concours qui s'appelle le tremplin, question de plonger dans le gouffre de l'auteur-compositeur-interprète en moi. Là, on disait partage-nous ton univers. Ah wow. Puis montre-nous une facette de toi. Invite-nous dans ton monde. Fait qu'ils t'ont flushé, c'est quoi? Chie à terre qu'on s'en régale. Tu sais, la bonne chanson de chez nous. Fait que ce qui est rassurant dans la photo, c'est qu'on a l'air tous caves. Oui. C'est fou ce qu'on trouve quand on déménage. Bon, ben oui, ça c'est moi, hein, qui Ben oui, t'es heureux. En fait, là, moi, je sais clairement de quoi on parle à ce moment-là. Ça, c'est Tommy. À ce moment-là, dans la photo, on est en train de chanter une chanson thème du concours. Oh shit, hein? C'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil, on aura un gros cul. Bon. Fait que. C'est intense en plus dedans. C'est pas mal ça, hein. C'est beau. C'était ta fille à côté. Elle chantait super bien, cette fille-là, mais je me souviens pas vraiment de son nom. Hey, ben oui, non, c'est non, à l'époque, non. Tu te l'es-tu tapé? Non, non, je me l'ai pas tapé pendant tout. Je suis pas quelqu'un de violent, moi. Oh! Maxime! Il avait 15 ans à l'époque. Quand même, hein? En plus, j'ai chanté juste... Attends, il a pas fini à Star Academy, lui. Oui, ben lui, c'est Maxime Landry de Star Academy. Ben ouais, c'est ça, ça, hein? En effet. C'est celui qui chante pour les madames, là. J'en ai une autre où ce qui est à côté sur mon genou, mais je l'ai pas amené. Ça, c'est quand vous étiez nu pis tout, là? Oh, j'ai un peu... Non, tu veux pas le savoir sur quoi. OK, fait que parlant d'avoir l'air cave, hein? Hey! Parlant d'avoir l'air cave, on s'est réabonné avec Belle. Bonne idée. Why? Pourquoi? Hey, je vais profiter du temps d'antenne pour dire abonnez-vous jamais à Belle. Jamais. Tu vas me sortir ma ceinture, je vais te frapper, t'as l'air d'aimer ça. C'est comme le McDo, faut pas aller là. Ben oui, mais Dieu, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Pourquoi, Père, m'as-tu abandonné? Ok, bon, c'est beau. Selon leur pub, tout est simple avec Belle. Hein. Puis en effet, là, c'est très très simple, on l'a pas Internet. Moi j'ai pris le forfait 5, 15, 10. Le 130 gig, download, upload, on va l'avoir à notre chambre à porn. Écoute, la Cadillac des modems. Donc, je sais que c'est une expression de mon oncle, là, la Cadillac 2, là, ouais. Mais c'est parce que c'est le technicien qui m'a dit ça, tu sais. Puis moi, je suis qui pour m'estimer, je connais rien d'un champ. Non, le technicien a raison. Je connais rien là-dedans. Puis ça marche pas. Fait que là, il me dit, le service que t'as commandé, il existe pas dans ton secteur. Là, ben, ça arrive, hein. Fait que j'appelle chez Bell, tu sais. J'appelle chez Bell, là, je parle à un gars qui me dit que c'est pas grave s'il a mis un autre modem, que ça affecterait pas ma facture ni la vitesse de mon service, tu sais. Fait que, en effet, ta facture va être aléatoire. En effet, ça affecte pas ma vitesse, il y en a aucune. Puis ma facture reste celle du gros forfait, fait que ça affecte pas non plus rien, pantoute, j'ai rien. Je le sais pas, mais j'ai l'impression que tu me fous. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand le gars au téléphone m'a dit que vu que c'était une nouvelle connexion, la 5-15-10, ouais. Il fallait 3-4 jours pour que la connexion s'habitue au réseau. Laisse-y le temps, là, hein? Laisse-y le temps. C'est comme un chat que tu rentres dans un nouvel appartement. Et voilà, il faut qu'il y ait en dessous des lits, puis qu'il fasse des caca à terre. Il est pas habitué, lui, là tu peux pas y forcer ça, là, c'est des petites bêtes, ça. Ben, moi, c'est exactement là que je me suis rendu compte d'une chose, hein. Oui? J'ai une poignée dans le dos. Oh, God, yes, oui. Une grosse abandonne. Fait que notre piscine a été vandalisée. Wow. On avait une piscine, là, mais la fin de semaine, avant qu'on déménage, deux gros crises de trous dedans. Quand on est arrivé, il y avait un marécage d'environ 2 pieds, dans le fond. Mmh. On a pris des photos. Y avait-il des grenouilles? Je ne sais pas. Sérieux, je voulais pas aller. Il y avait des remords. Il y avait des remords. La seule affaire, là, il n'y a plus rien. Le filtreur a été arraché, la clôture a été graffitée avec une peinture en spray, tu sais, puis... La seule affaire qui est bizarre, c'est que les anciens locataires, ils ont laissé une canne de peinture en spray puis un bâton avec un pic dans le garage. Mais bon. Moi, je crois que c'est des gens qui sont opportunistes. Bon, en terminant, cette semaine, j'ai joué du drum dans mon appart, pas mal. Puis la voisine a entendu ça, tu sais, puis elle a trippé. Là, elle a dit, quand ma fille a entendu le drum, elle trippait bien raide, elle veut devenir une star. Fait que moi, je croyais jamais dire ça, mais pour une fois, tu sais, des fois, la vie est généreuse. Je trippe en esti. Je peux jouer du drum chez nous. Tabarnak. Quand même, hein? Fait que c'est ça. Bon, wow! C'est tout petit. Ben là, au pli, aussi, quand je m'en venais tantôt. Ouais, ouais. Ben, j'ai trouvé un livre. Il s'appelle Vibration. Carlis. C'est Luce Bertrand qui a fait ça. Puis là, j'ouvre ça, puis là, il y a des petits pamphlets, puis c'est l'arc-en-ciel littéraire qui fait ça, c'est les auteurs guides du Québec. Ah, ben quoi ça? Ben, ça s'appelle Vibration, hein? Ouais, ça qu'il y a, tu sais. Fait que là, ben, t'as des beaux titres ici, là. Ah, c'est écrit en magenta, en c'est plus. C'est écrit en magenta, mon ami. Ah, ben ouais. Bord en bord. Fait que je vais juste... Prends un texte, là, t'en trouver un comme ça. Ben, en fait, je t'en avais trouvé un parce que on sait que Tommy est pas ici, mais il est dans nos cœurs. Toujours. C'est lui que je vais faire pour toi, Tommy. Ma sirène. Ça part mal. Viens, je t'emmène sur l'eau et dans mes eaux. Viens que je te prenne sur le dos et dans ma peau. Viens, ma sirène, tu verras comme ce sera beau. Il n'y a rien de mieux que j'aime que de me baigner dans ton eau, qui coule comme la Seine quand j'y amarre mon bateau. Tu deviens mienne et s'agite mon drapeau. Jusque dans tes veines brûle mon flambeau. Quand tu me cries, je t'aime, tu es le maître de mon radeau. Je me sens le capitaine d'un immense cargo. Et ma voix et ma joie d'être tienne efface tous les maux. Que je vis en quarantaine quand je suis puisqu'il le faut. Ça, j'ai pas saisi trop. La poésie, là. Ah, okay. Ouais, tu peux pas. On ne voit. En plus, hein. Tu peux pas contester ça. On ne voit plus qu'en berne flotter mon drapeau. Et voilà que ma peine déclenche la crue des eaux. Qui aurait cru à cette veine par un temps aussi chaud? Il fallait que j'intervienne, sinon s'échouait ton radeau. Hey, c'est des belles rimettes en haut, hein? C'est il est tout au complet. C'est super. J'aime ça, moi. Ouais, ça m'a touché les deux. Non, ben non, c'était deux filles. Fait... Mais le drapeau en berne, c'était pas un problème d'érection? Non, non, c'était vraiment une femme qui a déclaré l'amour à sa sirène en eau. OK, on s'en va en clip. Ouais, s'il vous plaît, sauve-nous de toute cette gaieté. Ça finit en queue de poisson, tout ça. Oh! Oh! Oh! Oh! Étienne! On remet un peu de vie dans ça. Là. Ramène-nous vers les champignons. Parce que. Mais c'est le rythme de la vie. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah. Oh, oui. Le rythme de la vie. C'est ça la magie de la vie. La vie. Oh, la magie de la vie. Check Ben Beat, man. Ça va être sick. Ça va être un concours de wet t-shirt à soir. On a besoin de plus de participants. On a juste une. Non, toi t'es trop jeune. Y a-t-il un schtroumpf barman? Les autres sont comme anonymes. Ils sont génériques. Ils ont sûrement des fonctions. On ne reconnaît juste pas. Qu'est-ce que c'est une? Il y a également celle-ci. Oh, tabarnak! C'est chaud par les trois. Oh, Chris, on s'en va vers un. Oh. Enrique Iglesias, ça vient bien. Des années 90, chanté en aigu. Mais c'est pas juste ça, ils peuvent faire plus. Ils ont des chansons originales. Comme? Oh. Et ils ont également des reprises de tunes plus vieilles que les années 90. Comme par exemple. Chante, chante, chante. On entend ici. Tiré de Strong Party 3, encore une fois. Je la reconnais pas, ou? Tu vas la reconnaître un peu plus loin, dans okay. l'avancée. Ça va pas parler, il commence encore. Oh! Voilà. Elle est là, même. Ça sont descendus plus dans le disco. Chante ta vie! Chante ta vie! Également, il y a Moi j'aime danser, qui a l'air d'un succès dance. On connaît tout de suite. Non, oui, ils sont allés là. Oui, ils sont allés là. Ben, c'est le Village People des Strum. On n'a pas vu venir. Annie. Annie. Écoute la chanson. Oh oui, Annie. C'est sur le Strum Party 2. Le petit compagnon qui se rend. Avec honnêteté, je veux t'appeler et chanter Annie. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi repris un succès des Gypsy Kings. Ça s'appelle ici Bonbon au lait. Tout est bon. Ça, c'est sur le Strong Party 1 maintenant. On sort d'un à l'autre comme ça. Bonbon au lait, là-bas. Ah ouais, il mange pas ça. Bon, ça, c'est pareil. Parce qu'ils ont toutes les strums, ça. On l'imagine. C'est à ce moment-là. Je l'ai fait jouer il y a deux semaines, mais hors onde. C'est ça que Bruno t'a reconnu. Bravo Bruno. Bravo Bruno, je suis fier de toi. Oui, c'est bien. Les bonbons au lait, ça me rappelle les bonbons bons. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, les bonbons bons. Les bonbons au lait écrémés. Oh, c'est bon, oh, c'est bon. Ouais, ça, ça a marché. Je pense qu'il y en a eu à mon épicerie à peu près là, de 1985 à 1985 à 8h20. Bon, ils ont aussi repris des succès plus vieux encore, plus qu'éternes, comme par exemple ce succès de Michel Richard. Repris ici par le Schtroumpfett. Ou le Schtroumpfgill, tu vois. Les deux. Les deux. Les deux. C'est celle que tu as aimée. Je suis sûr que Michel Richard a donné son accord. Je suis la reine des Schtroumpfs. C'est moi, la vraie Schtroumpf. C'est la Schtroumpferie. Voilà. Ils ont également repris ce succès de Joël Denis et de Pierre Lalonde. Qui s'appelle normalement Petit Gonzalez. C'est québécois, là, finalement. Mais qui est si petit de Schtroumpfette. Là, dans le fond, dans le 3, on est au Québec, là, on n'est plus en France. Ils sont assez internationales dans le 3. Okay. C'est aussi ça, Pierre Lalonde, c'est pas lui qui a inventé ça, évidemment. Il a repris ça de Pat Boone avant lui. Ah ben, il y a dans ça. Donc, peut-être qu'eux, ils ont repris ça de Pat Boone aussi. Là. Mettons, tu t'en vas en avion à Cuba, puis que tu dis, tiens, m'a écouté les trois Schtroumpf Party en me rendant. T'as hâte d'arriver en t'abandonnant, hein? Quand t'es rendu à la track 13 de l'album 3, ce qui est celle-ci, t'es content, là. T'es content que ça achète. Chose intéressante, les trois albums finissent par cette même exacte chanson-là. Puis c'est quand même celle-là que t'as écouté le plus longtemps, le plus souvent, selon ton. Là, c'est, ouais, obligé. C'est obligé. Parce ah, que, ouais. Qu'il est là trois fois. Ah, bah ouais. La ah, classique. Je peux pas. Ça s'appelle Le Monde Merveilleux. Je savais pas que ça avait ce titre-là. C'est pas exactement la même parole que dans l'émission. Mais bon, c'est la version complète, j'imagine. C'est la version studio. Est-ce qu'il y a un bout ou est-ce que c'est les mêmes paroles? Non, même pas. C'est même pas pareil. Ce que j'ai remarqué aussi qui était un peu troublant, c'est que Gargamel, il est souvent mêlé aux chansons des Schtroumpfs, puis moi je pensais qu'ils s'entendaient pas, mais ouais. Ils sont quand même retrouvés dans le même studio pour c'est comme enregistrer. C'est comme dans Phil Spector, je pense, un peu. Ouais, c'est ah, ça, ouais. Exact. Mmh. Ou comme le l'infâme Dr. Smith dans les Perdus dans l'espace, qui était leur ennemi, mais qui était tout le temps avec eux autres dans le même vaisseau, ouais, puis ouais. On allait le sauver quand il y avait Brad le problème. Spitfire. Comme Brad Spitfire, exactement, qui est un peu... Fait que si on a la superbe chanson Gargamel le Machiavel, tirée du Schtroumpf Party 1. Sur l'air de ça. Venez tous à mon château. Et que la fille boit à vie. Ouais. De chuter, de chirer, de couper, de bourrer. Gargamel, vous saviez. Voyons donc. Gargamel, il en arrache. Petit crapaud à mon beau c'est là un peu. Le château du jeu tout qui veut de ma salle se c'est un peu pareil. Ça. Je trouve très bon. Un petit fermet de coccinelle de maracas. Une béchamel de sauterelle comme les cartels. Là, c'est des... C'est fun. Je pensais que ce serait le fun, toi. Je m'en vais en empirant, oui, c'est ça mon concept. Je fais tout le temps ça. Mais tu sais, Andy, qu'être DJ de Radio Cochonnerie, c'est pas un concours de popularité. Non, en effet. Je le répéterai jamais assez. Après ça, il y a l'anniversaire du Baby Schtroumpf. Je trouve ça drôle, ça s'appelle Baby Schtroumpf, mais ils disent bébé dans la toune, pareil. Qui a ça aussi d'étrange. Bon, ça commence banal. Banal. Ouais, exactement. On avance un peu. Pas la peine de penser qu'on n'aura pas de plaisir. On sent qu'il y a une thématique qui est assez récurrente, hein? Légèrement. Okay, c'est bon. Là, il dit qui invite. Les Schtroumpfs. Amusés. Les Schtroumpfs, deux, oui. Bravo. Tous les animaux qui sont invités. Le soleil, Gargamel et Azrael. Là. Tout le monde est invité, même Gargamel et Azrael, à la fête du bébé Schtroumpf. C'est carré, hein? Mais bravo, Schtroumpf Cave qui a écrit ce genre-là. Là, à chaque fois, là, c'est en loop, en fait, là, il y a comme, c'est toujours la même affaire qui se répète quatre fois. Et à chaque fois, tous les Schtroumpfs qui écoutent la chanson, ils disent « Gargamel et Azrael! » Puis là, ils répondent « Oui, oui, tout le monde est invité. » Quatre fois comme ça. Fait qu'ils peuvent bien se faire capturer à toi et deux crises d'épisodes. Bon, je pense qu'il est vraiment stupide, Gargamel, en fait, parce que sinon il serait dans la merde. Ouais, ça fait longtemps que. Ça, pourquoi? Pour pas grand chose, finalement. On aurait mangé. Fait que voilà, ça c'était, selon moi, le best-of des Schtroumpf Party. Mais si vous en voulez plus. Ah oui! Parce qu'il y a du worst of aussi, que je garde pour DJ George Hebdo. Donc, demain, à DJ George Hebdo, c'est mon spécial Vacances du DJ, partie 1. Et la semaine prochaine, c'est la partie 2. Et dans la partie 2, il y a un intense bloc Schtroumpf qui ont rapport avec les tunes de vacances. Fait que voilà, c'est ça. Des tunes de vacances de Schtroumpf. À ne pas manquer. À ne pas manquer. Mardi 19h30 chaque semaine. Sinon, ben, étant donné qu'on a fini les Schtroumpfs, je peux bien faire jouer une petite tune de reggae vu que c'est l'été. Ah! C'est comme les autres tunes de reggae? Ouais, il y a un solo. C'est un reggae de Lucien Francoeur et autre chose. Ok, fait qu'on va garder ça en bruit de fond. Puis Bruno, ramène-nous dans le monde. Oui, je vous ramène dans le monde. On est pas mal rendu à la fin de l'émission. Je vais essayer de vous faire ça en vitesse. Ouais. Deux dernières nouvelles. Steve Tilbury voulait se réveiller d'un mauvais rêve. Un jeune homme de 17 ans s'est donc muni d'un fusil de calibre 22 et s'est tiré dans le front. Malheureusement pour lui, il n'était pas dans un rêve, mais dans un bad trip de moche. Heureusement pour lui, il a survécu. Il affirme s'être endormi peu après que ses amis soient partis et s'être réveillé un peu plus tard. Le monde n'avait toujours pas l'air vrai. Alors il s'est dit qu'il se tirerait dessus et se réveillerait. Mais ouais. Toujours incapable de se réveiller, Tilbury a commencé à nettoyer la scène et à appliquer des pansements avant de sortir de chez lui et de demander à un passant de l'amener à l'hôpital. Il affirme n'avoir aucune tendance suicidaire. Non, c'est vraiment. Juste à se réveiller. Comment tu peux te tirer dans le front avec un 22 comme sortir de chez vous après? Peut-être qu'il vise vraiment. Ouais, peut-être qu'il s'est vraiment manqué. C'est un. Ouais. Ou peut-être qu'il était vraiment dans un rêve. Il jouait sûrement dans Commando. Peut-être qu'on est dans un rêve. Peut-être qu'on est juste comme la particule d'un rêve de ce gars-là, pis que dans le fond, quand il va mourir, on va tout arrêter d'exister. As-tu une autre nouvelle, Bruno? Plus d'une décennie a passé depuis le dernier crash d'avion majeur aux États-Unis. Bonne nouvelle pour les compagnies d'aviation et les passagers. Mauvaise nouvelle pour les bureaucrates qui trouvent des nouvelles règles, car les bénéfices des nouvelles règles d'aviation sont calculés en fonction des prédictions du nombre de vies qu'elles sauveront. Et voilà. si on veut faire progresser la sécurité à travers la réglementation, on ne peut y arriver sans des pertes de vie supplémentaires, affirme William Voss, officier exécutif en chef de la branche de Virginie de la Fondation de sécurité en aviation. En gros, il est difficile de justifier les dépenses pour trouver des nouvelles règles si personne ne meurt. Donc, terroriste, invitation voilà. Aux États-Unis. Voilà. Idéalement, là, où, s'il y en a qui veulent fabriquer des tanks à essence de marde pour qu'on mette des réglementations sur les tanks à essence, quelque chose. Un petit bris. Le gouvernement vous invite. C'est quoi un petit geste pour faire avancer la sécurité? Hey. Se sentir un petit peu plus en sécurité. Voilà. Deux, trois personnes de mort, on s'en sert, c'est pas grave, il y en a 5 milliards d'autres. Hey. Oui, c'est ça. OK, on se rapproche tranquillement, pas vite de la fin. Fred, on avait dit quelque chose? Fred, le Fred d'honneur. Ben viens-t'en, c'est là! On n'avait pas dit qu'on l'invitait plus, lui, parce qu'il est fucking plate. Ouais, mais bon. Sauf qu'il m'a fait un lift hier. Ah, OK, c'est bon. Hey Fred! Allô? Oh, puis il est allé chercher popcorn d'ailleurs, du popcorn ce soir, brouhaha, hein? Ne manquez pas ça. Il est bon, puis on a récupéré de la petite poudre. Ah, fait que là, on a de la poudre au glutamate monosodique qui donne ce goût et cette odeur si adichante du popcorn. Traite de poudre ce soir, au bois. Salut Fred! Salut! Salut Fred! Salut! Tu as apporté des chamans? Je comprends pas comment ça se fait que Dieu est jamais prêt. Ah, il est surpris à chaque fois. Ouais, mais, t'sais. Oui, ben, bonne explication, Dieu. Chaman. Mais croyez pas que les sorcières existent? Elles existent. Témoignage réel. J'ai eu un ami qui a été blessé dans une relation précédente. Après que beaucoup d'années, il ait commencé à souffrir d'une maladie inconnue et la raison de cette situation était la mauvaise influence que son ex-femme a mis dans lui pour faire à sa vie remplie de folie et de désespoir dans ses céréales. Pas de ponctuation. Maintenant, je veux dire, vous remercie, Chaman! De votre aide. Famille Campbell. Campbell! En as-tu d'autres comme ça? Témoignage véridique. J'en verrai. On les a retrouvés puis retracés. Ça, là, il va falloir que je revienne là-dessus. Là. J'ai fait des découpes là, lors de mon ressourcement spirituel. Là, puis j'ai vu sur certains que c'était écrit chaman amazonien. Sur d'autres, c'était écrit chaman indien. Oh, wow! Deux chamans? Il a changé de numéro de téléphone en cours de route. Fait finalement, il a fini son cours à distance de chaman. Il était dans le 438 avant, en tout cas, l'indicatif régional bizarre. Le chaman amazonien, chaman. C'est l'évolution. Chaman amazonien. Peut-être. Ou vice-versa, tu sais. Va falloir appeler. Va falloir. Appeler qui? Appeler. Le chaman? Chaman. OK. Témoignage réel. Je ne sais pas comment il a réussi à le faire, mais ma femme et moi sommes de retour ensemble. Chaman! Sur cette photo. Photo? Oh. Nous sommes à Cancun en vacances où nous avons célébré nos 15 ans de mariage. Mariage. Merci infiniment, Chaman. Chaman! Merci, Chaman. On a-tu le temps pour un autre? On a le temps. Une dernière. J'aime beaucoup la photo de celle-là, par exemple, parce qu'on voit clairement qu'ils sont en vacances à Cancun. C'est pas un plan serré ou est-ce qu'ils sont vraiment collés en avant d'un poster. Là. Ils sont heureux. Ouais. C'est pas une stock photo qu'ils ont poignée sur Internet. Là. C'est des vrais témoignages réels. Les témoignages réels! Oh. Il y a 2 ans, j'ai eu un très beau mariage à Hawaï. Non, tu sais, il y a une thématique voyage. Oui. J'étais heureux et en confiance avec ma nouvelle épouse. Au fil du temps, nous avons commencé à nous disputer et à avoir des problèmes jusqu'au point de divorcer. Divorce. J'ai rendu visite au chaman indien. Chaman! Qui a pu découvrir la sortilège qui a été jetée sur notre mariage. Merci d'avoir sauvé notre union, chaman. Merci, chaman. Bon, ben, on est rendu très proche de la fin de l'émission. J'aimerais remercier tous les collaborateurs. On a évidemment Étienne avec les Schtroumpfs, Bruno, Fred, Mathieu, David, Dieu, Simon Préjean. Tommy dans son chalet dans le nord. Alors, on a déjà hâte que tu reviennes. Puis je tiens juste à dire, on va terminer ça. PJ à la caméra. Ah oui, puis PJ à la caméra, désolé. PJ. Caméra. Désolé. Donc, on va donc terminer cette émission-là avec deux choses super agréables selon moi. C'était le temps que j'anime cette émission-là pour pouvoir enfin les passer. Ce qui veut dire... Qu'est-ce que tu veux dire par deux choses? Est-ce que tu parles de Ace... Et Base? Non, tu parles de Ace of Base dans une chose. Ça, c'est pour toi, Tommy. Je te le dédie juste pour toi, puis je veux pas que tu lâches le vidéo. Et la deuxième chose, tu sais pas c'est quoi? C'est encore mon émission jusqu'à dans 10 minutes. Fait que je veux qu'on finisse 100 Ways to Love a Cat. J'ai redécidé ça, c'est là que ça se passe. Tourne-moi ça, Dieu. Je peux pas croire qu'on échappera pas. Bye à la maison. On peut y mettre les deux en même temps. 100 ways to love a cat. 100 loving ways. Way 98. Read him a book. 100 loving ways. 100 ways. Vive les chats à 70%. Ciao, Tom. Ciao, Tom. On pense à toi. On t'aime. Ciao, Tom. Oh.